professionnel, machine cassée, machine remboursée, au prix du neuf sans vétusté. Dans les conditions et limites du contrat. France Inter, il est 17h. Les infos, Lionel Thompson. Bonjour Lionel. Bonjour. Après la démission d'Emmanuel Macron, Christophe Sirug a été nommé secrétaire d'État à l'Industrie aujourd'hui. Un secrétaire d'État sous l'autorité du nouveau ministre de l'Économie, Michel Sapin. Christophe Sirug était jusque-là député de Saône-et-Loire et a été rapporteur de la loi Travail à l'Assemblée. Emmanuel Macron, lui, a fait aujourd'hui sa première sortie publique d'ex-ministre. Une visite à la foire de Châlons-en-Champagne, la deuxième plus grande foire agricole de France après le Salon de l'agriculture. Toujours pas officiellement candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a expliqué sa visite par le besoin de contact avec les agriculteurs. On ne va pas engager un dialogue entre soi. Je ne viens pas à Châlons pour répondre à des commentaires ou des petites phrases. Je viens à Châlons pour voir, écouter la vraie vie, les vrais gens. Qui sont les exposants, les visiteurs, et avoir une discussion directe. Et donc, c'est comprendre le pays, comprendre où nous en sommes, au contact avec une France rurale, justement agricole, qui entreprend, qui fait au quotidien, qui a des difficultés, on le voit bien aujourd'hui dans beaucoup de filières, qui a des difficultés au quotidien. Je suis là pour entendre, pour échanger, pour comprendre, pour pouvoir demain efficacement proposer et essayer de rassembler autour de soi. Et donc, c'est cette phase d'immersion que je vais faire, sans filtre, parce que sinon on est constamment dans des effets d'annonce, sans même écouter les gens et partager avec eux leur quotidien, leurs préoccupations. C'est cela mon simple objectif, je ne vais aujourd'hui rien annoncer, je suis là pour beaucoup échanger. Voilà. Un sursis pour Serge Dassault dans l'affaire de ses comptes cachés à l'étranger. Le tribunal correctionnel de Paris, qui devait rendre son jugement aujourd'hui, a demandé un supplément d'information et a renvoyé l'audience au 28 novembre prochain. Serge Dassault est soupçonné d'avoir dissimulé au fisc des dizaines de millions d'euros. Le parquet a requis contre le sénateur et industriel 2 ans de prison avec sursis, 9 millions d'euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. 12 millions d'élèves ont fait aujourd'hui leur rentrée, un peu de stress pour eux et pour les parents. François Hollande a profité de cette rentrée pour confirmer vouloir lancer maintenant la réforme des lycées, en précisant que les lycées professionnels seront aussi concernés. Cette rentrée, c'est la réforme du collège qui s'applique. Célia Quigré a assisté à la rentrée dans un collège parisien, le collège Valmy. Ce sont les cinquièmes qui sont arrivés en premier et cette année, ils doivent choisir une deuxième langue vivante. Jorah Tahi et Jenna n'ont pas hésité. Ah oui, j'ai choisi allemand. Parce que je trouvais ça, au début je trouvais ça marrant et puis après je me suis dit bah, c'était bien d'apprendre l'allemand. Vu que toute ma vie j'ai appris l'espagnol, je pense que c'est bien parce qu'il nous rajoute un petit peu plus de travail chaque année et puis ça fait du bien. Pour moi c'est plus bien et aussi mon oncle a dit si je comprends l'allemand quand je serai plus grand je pourrai partir travailler en Allemagne. Cette année les emplois du temps sont revus, pas plus de 26 heures par semaine. Il y a également des projets, voyages ou découvertes de l'entreprise. Pour le principal, Eric Rubio, cette réforme est positive. On a imaginé que tous nos élèves de 3e partiraient une journée à Londres et irait découvrir une œuvre d'art dans un musée londonien. Auparavant, ce genre de voyage en Angleterre qui était plutôt réservé aux élèves qui étaient dans des sections européennes, eh bien là, ça va concerner tous les élèves. Et ça, je trouve que c'est quand même tout à fait satisfaisant. Le mérite de cette réforme, justement, c'est de revenir à un enseignement égalitaire pour tous les élèves. Pour le principal, cette réforme devrait donc se mettre en place sans difficulté. Sans difficulté dans ce collège, mais les syndicats d'enseignants contestent la réforme et appellent à une grève la semaine prochaine. Au Brésil, Dilma Rousseff, destituée hier de son poste de présidente, ne s'avoue pas vaincue. Elle fait appel de cette décision qu'elle dénonce comme un coup d'État et réclame un nouveau procès. L'ex-présidente a été démise de ses fonctions, mais pas privée de ses droits civiques. La capitale du Gabon, Libreville, toujours sous tension. Les incidents provoqués par la réélection du président sortant Ali Bongo, proclamé hier, se poursuivent aujourd'hui. Les émeutes ont touché au moins 9 faubourgs de la ville, quadrillés par les forces de l'ordre. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées à Libreville et dans le pays, a indiqué le ministre de l'Intérieur. La France et l'Europe appellent au calme. Angela Merkel continue de défendre le traité de libre-échange avec les États-Unis. Ce traité encore en négociation, désormais critiqué par les sociaux-démocrates allemands qui participent au gouvernement et rejeté par la France. Dans un entretien accordé à une radio régionale allemande, la chancelière allemande explique que les Asiatiques ont déjà conclu un tel accord avec les États-Unis et considèrent qu'il permettrait de créer des emplois en Europe. L'explosion spectaculaire d'une fusée SpaceX cet après-midi à Cap Canaveral aux États-Unis. Il n'y a, semble-t-il, pas de victimes. La fusée SpaceX est le principal concurrent du lanceur européen Ariane. Franz Beckenbauer est poursuivi à son tour par la justice suisse, apprend-on aujourd'hui, comme trois autres membres du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. L'ancien footballeur vedette est soupçonné de gestion déloyale, d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Et puis l'équipe de France de football fait ce soir sa rentrée avec un match amical contre l'Italie à Bari. La bourse, Jean-Yves Courcial, un marché parisien qui a perdu son avance. Et oui Lionel, la bourse de Paris s'affiche désormais en repli de 0,27% à 4 426 points. Le marché a perdu l'ensemble de ses gains après un indicateur macroéconomique décevant aux États-Unis qui montre que l'activité dans le secteur manufacturier est passée en phase de contraction au mois d'août dernier. D'ailleurs à New York, le Dow Jones recule de 0,45% et le Nasdaq moins 0,32. Du côté des devises, l'euro s'échange contre $1 11,92 et en ce qui concerne les valeurs, Orange recule de 2,35% pénalisé par la dégradation d'un cabinet d'études. Sinon, Pernod Ricard est entouré après la publication de ses résultats annuels et progresse actuellement de 2,33%. Le titre du numéro 2 mondial des vins et spiritueux est suivi par BNP Paribas qui gagne 1,81%. Le CAC 40 est lui en repli de 0,29%. Il redescend à 4 425 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. Deux heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle. Et ce jeudi, si je vous dis BD, Salvador Dali et Nice, ça donne Johannes Farr qui rencontre Baudouin, la BD au carré dans le énervé. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Festival du cinéma américain de Deauville du 2 au 11 septembre. Plus de 60 films, dont 14 en compétition. Plongez au cœur du festival où l'art interroge l'homme et le cinéma interroge la vérité. Hommage au porte-flambeau du cinéma américain, Michael Moore, James Franco, Stanley Tucci ou Daniel Radcliffe. Deauville, le meilleur du cinéma américain pour tous. Retrouvez l'enregistrement du Masque et la Plume en public pendant le festival le samedi 3 septembre à 16h15 depuis le théâtre du Casino Barrière Deauville. Plus d'infos sur franceinter.fr. À 18h, c'est Florence Paracuelos qui vous présentera le journal. Tout de suite, on retrouve Charline et toute sa bande. Bonsoir. Bonsoir Lionel, merci pour ces informations. J'imagine que comme chaque jour, vous êtes curieux de savoir comment on a préparé avec autant de sérieux cette émission. Oh oui. Pour prendre quelques notes, bien sûr. Oh oui. Oh écoutez, allez, c'est cadeau. Salut les amis. Salut Charline. Et aujourd'hui on reçoit Eva Darlan. Ah oui, attendez, parce qu'il va falloir être très gentil avec elle. Pourquoi elle va pas bien? Disons que ça doit être un petit peu dur pour elle en ce moment. Ah bon? Pourquoi? C'est l'ex de Manoukian. Ah non, c'est pire. Non, c'est impossible que ce soit pire d'être l'ex de Manoukian. Ah bah si, je sais, elle est avec Manoukian. Ah bah là, oui, ça serait. Là, serait pire. Ah non, du coup, là, non, c'est encore pire. Là. Encore pire, la vache. Ah ouais, quand même. Raconte, vas-y. Raconte, dis-nous. Bon, alors voilà, Eva Darlan. Ouais. En 2012. Ouais. Elle a soutenu François Hollande. Oh là là là là là. Oh merde. La pauvre, elle doit être au fond du gouffre. Ouais, je crois que je préférerais encore sortir avec Manoukian. Oui, elle n'exagérons rien quand même. Et tu crois qu'elle le soutient encore? Alors ça serait le scoop, le coup de bol, on aurait retrouvé le soutien de François Hollande. Oui, alors on va lui en parler, mais je voudrais un petit peu de tact. Oui, bah moi ça tombe bien, le tact c'est ma spécialité. Ah oui, toi Guillaume. Bah oui, je vais lui demander si c'est une traître et puis c'est tout, on saura. Ah mais non, ne fais pas ça. Bah si elle répond oui, on la tond et puis c'est tout. On la tond. Mais oui, on la pend si vous préférez. Voilà. Mais t'es malade. Avec les tripes de Manoukian et puis voilà. Non, on y va en douceur, elle est certainement polytraumatisée. Bah, c'est vrai que les gens qui ont soutenu Hollande, ils doivent tous être très mal aujourd'hui. Oui, bah regarde, justement, j'ai la liste. Bah, Eva Darlan, Benjamin Biolay, André Manoukian. Oh la vache, Manoukian, c'est pour ça qu'il se drogue et qu'on pige rien, c'est chronique. J'en étais sûre qu'il était soutien de Hollande. Ah bon, tu le savais, toi? Bah oui, tu sais comment Manoukian quitte ses nanas? Bah non. Il leur dit, le changement, c'est maintenant. Bonjour la France Inter. Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui sonne la récréation de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont aller fumer en cachette jusqu'à 18h. Il est un domaine où François Hollande a tenu presque toutes ses promesses, c'est l'éducation. Même si la réforme des collèges n'est pas tout à fait ce qu'on pouvait en attendre. Alors il faut savoir que cette année en technologie, nous allons faire un repose-cahier en plastique. Excusez-moi, ça sert à quoi en fait votre cours ? Il est temps de parler des règles, car elles créent des inégalités. Lors des derniers Jeux Olympiques, une nageuse chinoise justifiait sa mauvaise performance par ce qu'on appelle communément les ragnagnas. Dis donc ma Chine, tu te fous de ma gueule ? Si t'as pas envie de nager, tu rentres chez toi et puis c'est tout. Tu reviendras quand tu seras motivé. Feignasse. En Iran, les courses de moto sont désormais ouvertes aux femmes. Pas étonnant puisque cela nécessite une combinaison intégrale et un casque. N'est-ce pas madame ? Ah pardon, c'était monsieur. Alors, en l'absence d'Alex Vizorek qui est à Bruxelles et qu'on embrasse, je suis accompagnée de celui qui fait trembler les services de communication des entreprises et les politiques, Guillaume Meurice. Bonjour Guillaume. Bonjour Charline, bonjour sur à tous. Qui avez-vous jeté votre dévolu aujourd'hui ? Eh bien moi j'ai appelé deux députés qui n'ont pas voté un amendement destiné à lutter contre les violences sexuelles, donc deux députés qui se disent féministes quand même, alors je trouvais ça un petit peu paradoxal. Je comprends pas trop votre raisonnement qui est très intelligent sûrement. Et sur lequel j'ai du mal à suivre. Voilà, j'ai été plus intelligent qu'un député, dis donc. Bon, du coup, je sais pas si c'est vraiment une performance, en fait. Mais... Et puis, bonjour André Manoukian. Bonjour Charline. Je suis très fier que vous me fianciez avec l'invité que nous avons là. Mais sur le reste, on en reparlera une autre fois. Oui. En tout cas, ce soir, je vais vous parler d'un groupe islandais formidable qui porte un nom français, Pascal Pinon, alors que c'était d'un Mexicain qu'il s'agissait. C'était clair ? Oui, non, très clair. Tout à fait, bien sûr. En tout cas, on a jusqu'à 17h30 pour essayer de comprendre. Ce sera le moment où vous prendrez le micro. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Charline. 6h moins le quart, vous ouvrez un livre, lequel ? Alors celui de notre invité, je n'en dirai pas plus. Ah, alors voilà, pour ceux qui entourent celle qui a tout annulé, je me tourne vers vous. Vous avez joué au théâtre Les Trois Jeannes, au cinéma Une histoire simple de Claude Sautet, ou Banzai de Claude Zidi, à la télévision aussi Merci Bernard, ou Fais pas ci, fais pas ça, dont nous sommes fans. Et enfin à la radio, sur cette antenne, le tribunal des flagrants délire. Et c'est mon homme qui était mon émission à moi toute seule sans personne. Oh, et voilà, donc vous avez l'habitude des émissions de bande et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes une bombe. Allez, ça t'entend. Sortez tous, c'est Eva Darlan avec oui, nous. Eva Darlan. Charline Van Mooker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Eva Darlan. Bonjour Charline. Vous retrouvez donc le micro de France Inter, ah oui, après avoir fréquenté les Trublions et l'équipe de Claude Villers. Ah, c'était magnifique. Depuis, on n'a rien fait de mieux jusqu'à vous. Oh non, c'est trop. Merci. C'est simple. Ville flatteuse. Je le pense un petit peu, si vous voulez. Quand vous êtes arrivée, il y a quoi, 3 ans? Oui, à peu près. Trois ans, tout à fait, oui. Ça a été une bouffée, je vous ai adoré. Oh, merci. Alors, vous êtes auditrice donc de notre émission. De vous. Ah oui, les autres. Vous faites bien. Vous avez tout compris, Eva Darlan. Je suis d'accord avec vous, Eva. Charline me donne des bouffées. Alors, Eva Darlan publie Grâce, le sous-titre Mes combats jusqu'à Jacqueline Sauvage. C'est publié chez Plon. Clara Dupont-Monod, vous êtes plongée également dans l'ouvrage. C'est un ouvrage qui est très intéressant parce que vous abordez plein de sujets, mais il y en a un notamment qui est assez intéressant. Vous abordez le sujet des femmes battues, au-delà du cas Jacqueline Sauvage. Et je trouve que vous changez un peu le regard qu'on peut porter parfois sur les femmes battues, un regard qui est souvent un peu simpliste et un peu lapidaire, qui consiste à dire bon, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas ses bagages et qu'elle ne s'en va pas. Et vous vous dites c'est plus compliqué que ça. Et vous décortiquez le processus psychologique qui porte un nom qui s'appelle l'emprise et qui fait qu'une femme peut rester parfois près de l'homme qui la bat, ou en tout cas que c'est pas si simple d'aller porter plainte. Est-ce que du coup, à la base de ce livre, il y avait une volonté de votre part de changer un peu ce regard sur les femmes battues ? C'est-à-dire que quand j'entends dans des prétoires des personnes extrêmement distinguées, élégantes, cultivées et qui devraient normalement ne pas poser cette question, la poser tout de même en disant « mais je ne comprends pas madame, pourquoi n'êtes-vous pas partie ?» Quand c'est une présidente du tribunal qui demande ça à des femmes qui ont été battues et saccagées protégés pendant toute leur vie, on se dit, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la formation et au niveau de l'information. Donc, je me suis dit, OK, je vais prendre le taureau par les cornes. Je vais parler de l'emprise, de ce qui s'est passé à la lueur de ce qui s'est passé dans ma vie. Je vais décortiquer ce qui est arrivé presque jour après jour, période après période. Et voilà, je vais en faire la Bible de référence de l'emprise. Je parle de l'emprise, oui, parce qu'il faut absolument savoir qu'on ne peut pas partir. Quand on est dans cet enfer et dans cet enfermement, on ne peut pas s'en sortir. C'est très, très, très compliqué. Oui, vous comparez cela à une toile d'araignée dans laquelle on est emprisonné ou d'un insecte pris dans un verre renversé. Je dis ça. Je compare ça. Ah oui, c'est vrai. Je suis allée jusque là. Oui, oui, parce qu'il y a une image qui permet de bien, d'essayer de saisir. On est effectivement englué. On ne peut pas partir d'un homme qu'on a aimé, qu'on aime encore ou avec qui, pour lequel on a des sentiments qui sont flous. On ne peut pas partir quand il y a des enfants, on ne peut pas partir quand il y a une dépendance financière, on ne peut pas partir quand il y a des crédits, quand il y a un travail, en commun. Aller où ? Déjà, on ne vous croit pas quand vous allez au commissariat, puis pour aller au commissariat, c'est dur. Mais là, vous sous-entendez qu'il y a une carence quand même des pouvoirs publics mis en place. Énorme. Dans la prise en charge des femmes qui ont le courage d'aller se plaindre. Énorme. Il n'y a pas, c'est parce qu'il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation des métiers de loi. Il n'y a pas de formation de la police. Il n'y a pas de formation des avocats. Et il n'y a pas de formation des juges. Alors, de temps en temps, on trouve une petite formation du côté de Lyon pour les avocats de plus de 50 ans qui veulent bien venir s'ils sont libres. Donc, on en trouve. Mais une formation globale sur tout le territoire et qui soit chapeautée, financée par l'État pour défendre la moitié de sa population, il n'y en a pas. Eva Darlan, un petit mot du cas Jacqueline Sauvage. Vous êtes présidente du comité de soutien. Elle a reçu une grâce partielle du président de la République, mais pas de remise en liberté. Et la surmédiatisation a-t-elle joué en sa défaveur ? Et cela vous a amené à une réflexion, c'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire que moi, je ne peux plus prendre la parole concernant Jacqueline Sauvage. Je m'y suis engagée. Je pense que tout ce que je peux dire et penser sur Jacqueline Sauvage et son cas est dans le livre. Donc, on peut y avoir référence. Ça s'appelle Grâce. C'est chez Plon. Je ne peux pas en dire davantage. Je pense qu'il faut laisser la justice à la demande de la justice. Il faut la laisser travailler en toute sérénité. Et à la demande de Jacqueline Sauvage, il faut respecter cette demande de la justice. Donc, nous nous taisons. Et il n'y aura plus de notre fait, de ceux qui ont signé le comité de soutien. Il n'y aura plus de paroles publiques qui pourraient déranger la justice. Un cas de retournement de la surmédiatisation et de responsabilité de chacun des journalistes et des médias. Eva Darlan est avec nous. Mais on va se retrouver après. Mais bien sûr, mais oui. Parce que de féminisme aussi, il en sera question. Et de féminisme avec humour. Mais quand les juges donneront leur verdict, oui. On va se retrouver. Là, on va se lâcher. Bien sûr, espérons avec elle. Eva Darlan veut publier Grâce, mes combats jusqu'à Jacqueline Sauvage. C'est paru chez Plon, et donc de féminisme avec plein de blagounettes dedans aussi. Il en sera question, on va même parler des règles, alors c'est vous dire. Oh, chouette. Les Anglais débarquent, attention. J'ai les miennes, je sais pas comment faire. Je suis embêtée. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb. I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and treat me like a man. They think I know, but that's just it. I'm a child. And I need you to walk me to the store. And I need you to please. cause I need you to make me take my nap. Ah. Even though you don't see them, they got their own chair, a plate, and a seat. You know I won't touch my food unless they eat. From the roof to the floor, I crawl around some more. I'm a child, and I need you to help me blow my nose, and I need you to help me count my toes. Atterrissage en douceur de Devendra Von Hart. I feel just like a child. Comme nous sur France Inter. Avec Eva Darlan. Avec Clara Dupont-Mono. Guillaume Meurice, bien sûr. André Manoukian. Eva Darlan, je sais que vous aimez l'humour. Il y a pas mal d'humour dans votre bouquin d'ailleurs, bah, malgré les sujets graves. C'est pas que j'aime ça, c'est que j'y peux rien. C'est comme ça, vous êtes né comme ça. Comme ça. Alors, non, parce voilà. Qu'on a eu des gens qui n'aimaient pas du tout l'humour, du coup ils s'en fait chier pendant une heure. C'est horrible. C'est ouais. Ça qui est drôle. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est une violence aussi de dire tu n'as pas d'humour. On peut le voir dans votre ouvrage. Et vous cherchez la parade à quand on dit tu n'as pas d'humour. Ah, t'as pas d'humour? Non, ouais. Non, mais quand les vieux gros machos disent. Oh, t'as pas d'humour, t'as pas compris ma blague. Humilie une femme. Et que cette femme répond, et qu'après, qu'est-ce qu'on entend? C'est « Oh là là, ça va, t'as pas d'humour !» Et Eva Darlan cherche toujours la phrase qui tue pour répondre à ça, alors Guillaume Meurice cherchait, on essaiera de trouver. Mais Guillaume Meurice, il la prononce tout le temps. Hein. Mais il a de l'humour, écoutez, c'est le journal. Qu'est-ce qui se passe? Qui me rendra mon honneur? Ça vous reprend. Ça y est, c'est décidément une question de vie ou de mort. Le journal de presque 17h17. Pas d'angélisme. Et on commence avec les titres. Oui, dans cette édition, nous parlerons de l'avenir politique d'Emmanuel Macron, parce qu'on est bien obligé. Ah bon, on est obligé? Bah oui, tout le monde en parle, on est obligé. Ouais, bah nous on s'en fout, non? Ah oui, c'est vrai, on s'en fout complètement. Ouais. Ah bon, bah d'accord, on n'en parlera pas du tout alors. Alors on va plutôt parler de la rentrée scolaire, parce que là, du coup, on est vraiment obligé, tout le monde en parle. Ouais, bah nous on s'en tape, on n'en parlera pas quoi. Ah bon, bah alors du coup, les brèves, on n'est pas obligé non plus. Bah non! Oh non. Bah y'en aura pas, alors on s'en tape. On commence avec Bruno Le Maire qui veut supprimer l'ENA. Et oui, parce qu'on le sait, hein, Charline, l'ENA, c'est une école qui ne forme que des dirigeants incultes, stupides et incompétents. Ah, attendez, rappelez-moi quelle école il a fait Bruno Le Maire ? L'ENA. Ah ouais, ouais. Pour ce qu'il fallait démontrer. On enchaîne avec Cécile Duflo. Oui, puisqu'on connaît désormais son slogan de campagne. Allons-y, allez. Voilà. Bah allons-y, Guillaume. Eh ben voilà, c'est ça, c'est le slogan de campagne, allons-y. Ah ok, d'accord. Ah, vous n'étiez pas au courant, Charline? Du coup, pour une journaliste, c'est pas terrible de pas savoir ça. Ça va, on enchaîne, là, ça va. Ah, hein, ça, bon. Je reconnais votre slogan, là, Charline. Oui, on enchaîne. Oui, on enchaîne. Alors, une information qui concerne les impôts. Effectivement, Nicolas Sarkozy se déclare contre le prélèvement à la source. Oui, une déclaration qui fait écho à celle de Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac et Thomas Thévenoud, qui se sont déclarés, eux, contre le prélèvement. Mais le prélèvement, comment? Le prélèvement, tout court, contre le prélèvement. Ah, d'accord. Voilà. Médias à présent, à propos du lancement de la nouvelle chaîne France Info, le directeur de la rédaction de France Télévisions, Michel Field, déclare que France Info parie sur une offre différenciante. Oui, merci beaucoup pour cette déclaration tout à fait pertinenciante. Oui, merci Michel. Santé à présent, la famille d'un viticulteur bordelais mort d'une maladie liée à l'utilisation des pesticides dépose plainte contre X. Nous ne dévoilerons pas l'identité de X dont le nom commence par Mont et finit par Santo. Voilà, on respecte. International à présent, États-Unis, un policier blanc inculpé pour avoir abattu un noir. Ah, c'est bien, les choses progressent aux États-Unis. Oui, non, enfin, oui. On lui reproche de ne pas avoir bien visé. Il y a un autre noir qui a pu prendre la fuite. Ah, du ça, coup. Ça progresse lentement. Oui, c'est très lent. International toujours. À Monaco, des travaux de construction vont permettre à la ville de gagner 6 hectares de luxe sur la mer. En déclarant qu'il se devait de prendre la mer, on se doutait bien qu'Emmanuel Macron n'irait pas s'installer en Bretagne. En effet, et on termine une fois n'est pas coutume avec la chronique People, une page People, et le chanteur Renaud qui a réaffirmé son soutien à François Fillon. Est-ce qu'on a une réaction à chaud, Charline ? Oui, puisque nous sommes en direct avec une bouteille de Ricard. Alors, madame la bouteille de Ricard, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle déclaration de Renaud ? Bah, écoutez, je suis comme vous, moi je suis consterné, quoi. Je vous rappelle quand même qu'il disait beaucoup moins de conneries quand il était avec moi toute la journée. Hein. En effet, c'est pas la première connerie, puisqu'on rappelle que Renaud a comme nouvelle passion d'embrasser les flics. Ouais, hein, ouais, mais ça, à la limite, je peux comprendre, ouais. C'est pour retrouver le goût du Ricard. Ah, mais vous souhaitez qu'il replonge ? Oh, bah, des fois, ouais, des fois, je me dis, un verre de perdu, c'est 10 bouteilles qui reviennent. Oui, merci, madame la bouteille de Ricard, on ne le dira jamais assez. Hein. L'abus d'arrêt d'alcool est dangereux pour la santé. Vous êtes sur France Inter avec Eva Darlan. On reste entre nous jusqu'à 18h avec vous derrière le poste ou dans la voiture, chers auditeurs, cette journée de rentrée scolaire. Et on va aborder le premier sujet avec vous, Eva. C'est la dernière rentrée du quinquennat Hollande. La presse dresse donc son bilan en matière d'éducation. Et pour une fois, il ne s'en sort pas trop mal. Il a fait les réformes promises, mais bon, vont-elles fonctionner ? En tout cas, voilà pourquoi il était temps de réformer. Géant martial, 6,40 de moyenne, niveau E. Vous avez des remarques ? Comment se fait-il que Martin a C avec une moyenne de 9,12 et que Fontaine a D avec une moyenne de 9,30 ? Il a une moyenne plus forte, mais on estime qu'il a moins bien travaillé. C'est une décision du conseil. On peut peut-être reconsidérer le cas. Alors on lui met C aussi. Mais alors si maintenant Fontaine a C avec une moyenne de 9,30, pourquoi alors Baudard a D avec une moyenne de 9,29 ? 9,29, c'est en dessous de 9,30. Ça ne vaut peut-être pas un niveau de différence ? C'est juste. Il est vrai que cela demande un réexamen général. Mais on recommence tout. Prof, le film en 1985. Oui, l'éducation nationale. Alors Eva Darlan, il y a quand même donc... la plupart des promesses ont été tenues par François Hollande en matière de réforme pour l'éducation. Il y a des progrès dans la réduction des inégalités à l'école. Notamment, les fonds sociaux ont été renfloués. Il y a 40 000 fonctionnaires engagés. Il avait promis 60 000. Il dit qu'à la fin du quinquennat, ils y seront. D'après la presse, l'éducation, finalement, c'est un domaine où il a tenu ses promesses. Est-ce que c'est de nature un peu à vous réconcilier avec lui ? C'est compliqué comme question. Vous parlez de l'éducation ou vous me parlez de François rapports Hollande. Avec Hollande. Il a tenu ses promesses en matière d'éducation, ce qui est quand même un gros dossier généralement gauche. Si vous voulez, moi, l'éducation est un énorme problème pour moi parce que je trouve que je suis contre en général, je suis pour l'éducation, mais de la façon dont elle est faite d'une façon magistrale, je trouve que c'est absolument aberrant. Ça fait des cancres, ça fait des gens formatés. Ce qui est formidable, c'est ça aurait dû être des cours. Ce qui est, je crois, il va y en avoir maintenant des cours transversaux. Transversaux, voilà, c'est ça. C'est si ça, vous voulez, par exemple, une maquette, fait appel aux mathématiques, à la culture, ça peut être des langues étrangères, etc. Et plusieurs élèves travaillent ensemble. Ce n'est pas l'enseignement magistère est quelque chose qui me hérisse absolument. Donc, je crois qu'il y a une très très légère avancée dans ce sens-là, puisque effectivement, il est question de ça. Mais qu'est-ce que vous attendez, par exemple? Vous, de l'école aujourd'hui, c'est quand même le premier lieu où on apprend à vivre ensemble. Il est en plein mutation parce qu'on vit une époque qui est dans certains bouleversements. Alors vous, qu'est-ce que vous attendez de l'école ou vous, qu'est-ce que vous en avez retiré comme formation de l'esprit ? Non. Rien. La réponse est non. Rien appris. Rien du tout. Dites donc. Je sais pas qui était ministre à l'époque, mais. Si vous voulez. Non, non. Moi, je. Non. J'ai été parent d'élève pendant 20 ans, à peu près, avec mes enfants. Mm-hmm. Je n'en ai retiré que de l'amertume. Et c'est quelque chose que je trouve absolument désolant. L'éducation est quelque chose d'inatteignable par les politiques. Ils y sont tous cassés les dents. Quand il y a une réforme qui est intéressante, c'est les parents d'élèves qui sont contre. Donc c'est quelque chose, c'est une espèce de merdier, si je puis me permettre. Sauf quand on tombe sur des bons profs qui sont un peu habités par leur vocation. Voilà, c'est ça. Qui sont de plus en plus rares. C'est rare, c'est très rare. Bon, ils ont été un peu augmentés, espérons que ça va les motiver. Tu ne trouves pas que ce soit rare ? Non, c'est pas rare. Ils vivent toute l'année avec les gosses. On les a vus, nous, à France Inter. On a fait des opérations avec des gosses de banlieue, justement, pour les intéresser au métier de la radio et tout. Alors, on avait des motivés. Les profs avec tous leurs élèves et il y avait je sais pas, je trouve qu'il y avait un esprit qui était là, sinon faut bien les tomber, gars ils peuvent pas y aller. Ils parce qu'André il sort pas de la maison de la radio, alors du coup il que les enfants de la maison de la radio. Vous êtes toujours fâché contre François Hollande alors? Oh, je sais pas, je sais pas bien qui c'est, je sais pas bien ce qu'il fait. Il nous a déçus, on a envie qu'il soit encore là quand même. À oui, parce côté que vous, de ce qu'il y avait avant, c'est le bonheur absolu. Vous vous sentez pas représenté alors, si vous dites finalement. C'est-à-dire que en tant que femme, que citoyenne, en tant que citoyenne, celle qui va aller, qui doit en tant aller que voter. Citoyenne, je ne sais pas où il est allé, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait lui des non choses. Plus. Il a fait des choses. Et en tant que femme, je trouve qu'on a été pas vraiment entendu. Pas vraiment, voilà, c'est passé de la parité au ministère, du ministère à l'égalité homme-femme. Au sous-ministère, secrétariat d'État. Il n'y a plus de parité. Enfin bon, bref, c'est les politiques s'en foutent des femmes. Il faut savoir ça déjà a priori. La gauche, c'est, au moins, c'est pas un milieu qui est très très favorable. Voilà, voilà. Bon, juste une petite, toute petite parenthèse, Charline, rapide. C'était pas pour dire que les profs sont mauvais. Ça, Dieu merci, non, ils sont tous démotivés par une énorme machine qui écraserait la motivation la plus belle et la plus pure. Oui, exactement. Et mais c'est ça qui est désespérant. Je rebondis, pardon, deux secondes, parce que je voudrais pas que mes propos soient mal pris, mais c'est ça qui est absolument désespérant. C'est qu'ils sont tous démotivés et il y en a qui ont la foi. Et nous aussi, on veut les encourager. Et André Manoukian aussi, à sa manière. André. Oui, exactement. Moi, je suis pour l'enseignement le plus beau métier du monde. Musical pour tous. Alors, c'est vrai que notre enseignement musical n'est pas terrible, mais voilà, on va changer de pays. On n'est pas en France, on est en Islande. Et elle chante justement en islandais parfois. On comprend rien, juste deux voix à l'unisson qui psalmodient. Psalmodier, littéralement, ça vient de chanter des psaumes. Au commencement, pour faire vivre les textes sacrés, on les récite, mais on commence à accentuer des mots, ça et là, à la manière d'un homme politique qui appuie sur certains vocables pour donner plus de poids à son message. Et petit à petit, les mots, on les module, d'où l'expression « viens là que je te module ». Et enfin, à force de les triturer, eh ben, le chant vient. Il m'a semblé important que je vous parle de l'origine des chants sacrés que l'on retrouve dans toutes les religions, hébraïques, chrétiennes, musulmanes et bouddhistes, avant de vous parler de Pascal Pinon, tant il y a du sacré dans le chant de ces deux jumelles. Il y a du sacré et de la glace qui se fissure et un monstre qui sort. Un monstre ? Non, deux sirènes islandaises. Ashtildur et Jófríður Akadóttir. Elles sont sœurs jumelles et heureusement elles ont pris un nom de groupe parce que c'est pas possible à dire, hein, ça. Ashtildur et Jófríður Akadóttir. Pascal Pinon, c'est bien plus simple. Mais pourquoi Pascal Pinon ? Pascal Pinon, né en 1889, mort en 1929, n'avait pas de jumeaux, mais une tumeur ou un kyste sur le haut du crâne, une grosse masse qui faisait de sa tête une double tête. Une bosse que Pascal Pinon, avec des cheveux, maquillait d'un visage à la cire avec des implants d'argent. C'était les restes de son jumeau qui serait né collé à lui, le double qui lui manque. Il gagnait sa vie en s'exhibant dans les foires. Tapez sur internet Pascal non. Pinon. Vous non, avez... merci, non. Les jumelles islandaises, elles, n'ont pas été séparées. Je vous ai souvent raconté un des mythes avec lequel Aristophane, dans le Banquet de Platon, raconte l'amour. Au commencement, les hommes étaient des êtres à deux têtes, quatre jambes et quatre bras, donc bien plus puissants que maintenant. Ils couraient deux fois plus vite. Et quand ils se mettaient au piano, vous imaginez le quatre mains, comme c'était facile. Et quand ils s'accouplaient, tout de suite, ils se retrouvaient dans le carré magique de Pythagore. C'était bien plus fun, finalement. Un peu comme nous, quand on fera des séminaires de team building à Chamonix, Charline, dans ma grotte. Bref, un jour, malheur, les hommes se mettent à grimper au ciel pour s'attaquer aux dieux. Zeus, en colère, les coupe en deux à la machette ou à coup de foudre. L'histoire ne le dit pas, toujours est-il que l'homme se retrouve séparé en deux, chaque bout de corps ayant les regrets de l'autre bout, comme un dahu qui se retrouve contraint de marcher dans la plaine, comme moi, Charline, qui vous cherche sur les pentes de la Flégère. Naturellement, les deux moitiés se cherchent pour s'enlacer et tenter de se fondre l'une dans l'autre pour revenir à notre nature première. L'amour, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né d'un coup de hache de Zeus. Elles, Ashtildur et Jófríður Akadóttir, n'ont pas été séparées. La gémellité fascine aussi la littérature. Il n'est qu'à lire le sublime roman de Michel Tournier, Les Gémeaux, n'est-ce pas, Clara ? Absolument. Dans les années 60, aux États-Unis, on fit une expérience redoutable. On sépara deux jumelles orphelines en les mettant dans deux familles d'accueil différentes et 30 ans plus tard, on organisa leur rencontre. Ce fut un coup de tonnerre. Les deux jeunes femmes se découvraient avaient mille et un points communs, des parcours similaires, des métiers semblables, jusqu'aux hommes qu'elles avaient épousés qui se ressemblaient. Aujourd'hui, pour étudier les jumeaux, on est plus cool, on met juste des caméras dans l'utérus de la maman, et là, qu'est-ce qu'on voit ? Les jumeaux se donnent des coups de pied, ne faites pas se ça chez touchent, vous, hein. C'est les professionnels se caressent, qui font, ça. Font des roulades et se font des bisous. Dans le ventre de leur mère, déjà, ils s'aiment. Et les frères Bogdanov, c'est beaucoup de coups de pied. Cet amour retrouvé du temps béni où nous étions des boules à quatre pattes et à deux têtes, les jumelles en tirent leur force et le courage de produire une musique sans artifice, dépouillée, loin des super productions soniques de Björk, l'autre star des geysers, ce qui rend peut-être leur chant plus puissant, parce qu'après tout, seul ce qui est simple et beau. On les écoute chanter en islandais « Skamdegi », ça veut dire « écrémage ». Ah mais bien sûr. Skamdegi, ça veut dire écrémage. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle parle avec cette espèce de voix super douce. Elle raconte des trucs parfois un peu hard sur les mecs et tout. Genre. Mais voilà, je vous conseille d'aller le voir. Et puis surtout, aller voir. C'est une connerie, mais Sigur Rós, c'est islandais aussi. Bien sûr, c'est lui qui les a produits d'ailleurs, qui a produit leur premier album. Bravo, Charline. Je prends le but. Merci, André Manoukian. Vous venez de dire une insulte en islandais. Non, c'était Ikea. C'est la paix pour Ikea. Qui n'est pas islandais, voilà. Hein, Ikea. On mais vous qui est suédois. Allez, réécoutez. Oui, oui, on a interrompu cette jolie musique pour la musique de la voix. De Clara Dupont-Mono. De Guillaume Meurice face à notre invitée, Eva Darlan. Eva Darlan qui est avec nous jusqu'à 18h, qui publie Grâce chez Plon. On va en reparler tout à l'heure avec Clara Dupont-Mono. Mais tout de suite, Guillaume Meurice. Bah oui, on va parler féminisme aujourd'hui, hein, puisque Eva Darlan est avec nous. Et puisqu'André Manoukian est avec nous aussi. Hein, l'étalon arménien, le phallocrate du Caucase, comme on l'appelle. André qui me disait quand même l'autre jour, je suis féministe, j'ai un très bon ami qui est une femme. Hein, ça va, André, vous confirmez. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter deux féministes, Danielle Fasquelle et Lionel Lucas. Vous les connaissez peut-être, ce sont les deux députés, les premiers qui ont pris les fameux arrêtés anti-Burkini pour, entre autres, et là je les cite, lutter contre l'asservissement des femmes. Et alors ça tombe bien, puisque fin juin, à l'Assemblée nationale, avait lieu le vote d'un amendement qui avait pour but de rendre inéligibles les candidats condamnés pour violence, donc évidemment violence sexuelle, c'était juste après l'affaire Denis Baupin. Manque de bol, et alors là, pas de cul, ni Lionel Lucas, ni Danielle Fasquelle n'ont participé au vote, c'est ballot pour des féministes. Alors d'ailleurs, sur 577 députés, il n'était que 15 dans l'hémicycle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Daniel ? Vous savez qu'on soit 15 ou 577 à l'Assemblée nationale, il y a toujours une majorité, une opposition. Donc, non, mais alors là, pour les Républicains, vous étiez 3. Mais c'est pas la question. Ah, si, c'est complètement la question. Enfin, c'est la mienne. Hein. C'est dommage quand on défend le droit des femmes. Alors, c'est dommage aussi d'être le trésorier d'un parti qui ne respecte pas la parité dans les élections, puisque c'est le cas, hein, de Daniel Fasquel et du parti Les Républicains, qui est donc régulièrement sanctionné pour ça, d'où ma question. Vous payez des amendes régulièrement ? Est-ce que ça vous dérange pas en tant que trésorier, vous ? Si, bien sûr que si, j'ai réagi sur ce point et j'ai participé à de nombreuses réunions de la Commission sociale d'investiture en rappelant systématiquement qu'il fallait investir plus de femmes et je ne suis pas certain qu'on arrive encore cette fois-ci complètement à la parité, mais nous allons progresser. Ah oui, on sent que vous avez du mal à arriver à la parité. Mais écoutez, la situation s'améliore et s'améliorera sensiblement cette fois-ci. Allez, ça sera pour cette fois-ci ou ça sera pour la prochaine fois-ci. Hein. En même temps, ils ne sont pas habitués à respecter les lois, hein, chez les Républicains, donc il faut un petit temps d'adaptation. Alors, ceci dit, les députés PS dans l'hémicycle, ils étaient 9 et eux, ils ont carrément voté contre l'amendement. Donc voilà, DSK a laissé des traces, hein, et pas seulement sur la moquette, dans les esprits des députés PS aussi. Mais bon, tout le monde ne peut pas être aussi féministe que Lionel Lucas. Lionel Lucas, il est tellement féministe qu'il pense quoi ? Je pense qu'effectivement, les femmes ont les droits largement identiques à ceux des hommes et davantage si nécessaire selon les circonstances. Voilà, encore plus de droits. Vous avez entendu, encore plus de droits pour les femmes que pour les hommes. Hein. Autant vous dire qu'à côté de Lionel, Simone de Beauvoir, c'est Guy Georges. Donc, par exemple, quand il a été question de voter la loi sur la parité en politique, naturellement, qu'est-ce qu'il a fait, Lionel ? Je me suis abstenu parce que... Ah, pourquoi alors ? Je suis totalement convaincu sur... Les libertés et l'égalité des femmes. Donc c'est vrai que ça me choque beaucoup que... Mais pourquoi vous n'avez pas voté pour la parité alors ? Je me suis abstenu, ce qui est quand même pas mal, puisque les autres votaient contre. Voilà, il a été moins pire que les autres, ce qui est déjà formidable. Hein. Moins pire pour Lionel, c'est déjà un exploit. Je vous rappelle qu'il est surtout connu pour ses dérapages. Hein. À l'Assemblée, on l'appelle Rémi Julien, hein, quand même, Lionel Lucas. Et Lionel, il n'était pas là non plus pour voter donc le fameux amendement. Hein. Mince alors, pour un féministe, c'est dommage. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, j'en sais rien, il y a tellement d'amendements. Ah. Tout dépend comment est calé l'amendement et dans quel texte et à quel moment. Vous l'avez pas vu passer celui-là ? Bah écoutez, on n'est pas obligé d'être d'une vigilance parfaite. Ah bah si ça vous préoccupe autant. Oui, mais continuez ce préchi-précha bien habituel en la matière. Bah je vais continuer du coup Lionel. Alors il n'était pas là, est-ce qu'il avait une bonne excuse ? Bah écoutez, j'ai pas de compte à vous rendre sur pourquoi je suis pas là, ou etc. Enfin, je veux dire... Bah les élus de la République ont quand même des comptes à rendre. Si vous saviez les conditions de travail de l'Assemblée, vous pourriez même pas... poser cette question. Vous la posez par ignorance, donc c'est facile, et vous savez que vous allez être écouté par des gens qui ne savent pas du tout comment ça marche. Voilà, vous êtes donc des cons, hein, voilà. Et moi, je suis le premier d'entre eux, c'est ça le problème, parce que moi, du haut de ma connerie, je suis censé poser des questions, comprenez, à l'élite dirigeante, hein, ces êtres brillants qui font la fierté démocratique de notre nation. Alors, vous imaginez l'ampleur de la tâche. En plus, moi, je fais quoi, selon Lionel ? Vous faites des procès d'intention de procureur soviétique un peu facile. Oui, ah, ça, c'est... Je fais des comptes à rendre à mes concitoyens, je le fais, ils me... Ben, je suis un de vos concitoyens, ça tombe bien. Eh bien, écoutez, c'est très facile, hein, puisque vous êtes l'un de mes concitoyens, vous pouvez vérifier tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pratiqué depuis longtemps, et y compris dans mes fonctions de maire. Ah oui, ben c'est pour ça, moi, je vous dis que vous n'étiez pas là pour voter l'amendement. Eh bien, écoutez, si ça peut vous faire plaisir... Ben non, c'est bien ça le problème, hein, c'est que ça ne fait pas plaisir du tout, et à mon avis, ça ne fait pas plaisir non plus à l'immense majorité de nos concitoyens. C'est donc un exemple assez représentatif d'une assemblée absolument plus représentative. Merci Guillaume Meurice. Vous l'accrochez à votre boutonnière, ça, le procès stalinien de la part de Lionel Lucas. Oui, j'aime bien quand on fait des compliments. Et Van Arlo, évidemment, un cas extrême, hein, qu'on vient d'entendre. Mais j'espère. Oui, tellement extrême qu'on en rit. Bah, extrême, en même temps, ils étaient que 15 sur 577, donc il y en a plein qui n'y sont pas allés. Donc, Mais le dernier que vous avez vu, croquignolé. Il était complexé, comme on dit. Mais c'est ça. Sur France Inter, on va aborder le deuxième sujet avec vous, Eva d'Arlan, la nageuse chinoise qui a dit avoir loupé son 4x100 mètres aux Jeux Olympiques à Rio à cause de ses règles. Mais cette nageuse nous rappelle que les menstruations sont toujours source de honte, de déscolarisation parfois dans certains pays et d'injustice économique aussi. Alors pardon, mais chez les mecs, pas besoin que les Anglais débarquent pour trouver des excuses aux contre-performances, car encore faut-il admettre les contre-performances. Souvenez-vous d'Henri Lecomte. À quel moment as-tu senti que la victoire t'échappait quand même, Henri? Disons que moi j'essaie de faire du point tennis, tu vois. Oui. Bon, c'est sûr qu'au premier set, bon, 6-0, ça a été un petit peu dur. Ça m'a permis d'étudier un petit peu le jeu de Björn Brandner. Bon, après le deuxième set. Deuxième set, oui. 6-0. Voilà, j'ai senti un petit peu sur une perte de vitesse. C'est vrai. Bon, mais quand même, au troisième set, faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. Oui. 6-4. 6-0, Henri. Les inconnus, bien sûr. C'est la une du Courrier international cette semaine. Les règles, la fin du tabou à partir de cette contre-performance de la nageuse chinoise aux Jeux Olympiques. Elle vous a interpellé, donc apparemment elle a brisé un tabou dans le sport en disant bah, « j'ai pas bien nagé parce que voilà, c'est le premier jour de mes règles ». J'imagine qu'en tant que féministe, c'est formidable. C'est assez, en tant que femme simplement, c'est assez gonflé de sa part parce que c'est vrai qu'il y a une omerta qui est de plus en plus mince. Hein. C'est vrai que les premières pubs qui ont osé parler des tampons étaient bleues. Hein, l'eau était bleue. C'est vrai. Et maintenant, quand même, ça on paraissait arrive, idyllique les règles dans les pubs. On parle même, on fait même des pubs sur les cups. Donc, oui, je trouve ça pas mal. Mmh. Je trouve ça pas mal qu'on en parle parce que c'est quand même un petit peu l'origine du monde. Et alors aujourd'hui encore aucune femme ne dit je reviens, je vais changer de tampon, je reviens. Ça ne se dit pas. Non, ça va pas se dire non plus comme je vais faire pipi ou caca. Je veux dire. Non mais ça non plus. Hein, voilà. Cela dit, ça sauf Manoukian, mais ça dans l'équipe côté masculin dans l'équipe je ne dirais pas. En 78, il y a une célèbre militante féministe américaine qui a posé cette question. Que se passerait-il si c'était les hommes qui avaient leurs règles et pas les femmes? Guillaume Meurice, c'est une réflexion? Je reviens, je vais changer de tampon. Ah, voilà, alors en tout cas, elle a répondu, la réponse est évidente, dit-elle, les menstrues deviendraient une caractéristique enviable, virile et source de fierté. Les hommes se flatteraient de l'abondance ou de la durée de leur règle. C'est ça, oui. Viens voir ma grosse cup. C'est ça, oui. J'en ai une plus grosse que la tienne. C'est un dossier donc, dans le Courrier international où on apprend aussi qu'avant, bah, les femmes portaient des bandes de linge qu'elles fixaient à la culotte avec des aiguilles. Moi, c'était comme ça. J'ai été réglée très très jeune, j'avais 10 ans. À 10 ans ouais, ah ouais. Mes parents étaient d'origine plus que simple parce que, voilà, puis c'était il y a longtemps. J'avais une petite, une bande élastique autour de la taille sur laquelle on faisait à cheval, hein, on mettait une serviette de bain, mm-hmm. une serviette de toilette, une grosse éponge hein, qui vous empêchait de marcher. On marchait un peu comme des canards. Ou comme ça. Sarkozy un peu. Ouais. Et ça... Il marche comme ça. Il a tout le temps ses règles. C'est ça le truc. On a vu, il a comme vous une lingette avec les aiguilles voilà. quand vous aviez cet âge. Et c'était quelque chose de très humiliant parce que on pouvait pas bien marcher, on pouvait pas s'habiller et il fallait le laver. Et quand on lave du sang, eh bien c'est long. Donc on faisait tremper devant dans toute la famille avec les hommes, les frères, les machins, et tout ça. C'était très très très humiliant. C'était humiliant d'avoir ces règles. Eh bien, reparlons, peut-être pas règles, mais féminité, féminisme. Quand même, je voudrais dire que... On en est où de ce cycle, alors, Clara ? La transition est difficile, je ne vous le cache pas. Je trouve que même ici, avec les esprits les plus brillants et tout ça, j'ai l'impression que tout le monde est gêné. André l'est. C'est vrai. Non, mais oui. André est gêné à mes côtés. Bah, la transition n'est pas facile. Hein. Et quand même, Guillaume, franchement... Non, pourquoi on serait gêné? Bah, non, moi je trouve ça bien, cette nouvelle génération. Et en plus, ça donne une excuse aux Françaises qui ratent leur compétition, c'est parfait. Clara Dubon-Monod, si on en revenait au livre d'Eva Darlan. Oui, puisque l'actualité, bah, c'est ça, Charlina, c'est votre livre, Eva Darlan, votre livre qui s'appelle Grâce, qui est paru chez Plomb. Il est un peu particulier, ce texte, parce qu'il commence comme un manifeste de soutien à Jacqueline Sauvage et il évolue vers quelque chose de beaucoup plus personnel, comme si la parole d'une autre, celle de Jacqueline Sauvage, avait appelé et libéré la vôtre, un peu comme par ricochet. Moi, j'appelle ça la littérature à ultrasons. C'est-à-dire que ce sont des textes qui sont nés après avoir porté, entendu les ultrasons émis par des faits divers. La littérature en regorge, et le plus bel exemple pour moi, c'est 200 froids de Truman Capote. Vous dites non avec la tête. Non, je dis non avec la tête et maintenant avec la bouche, mais mon corps. Parce que j'ai écrit Cru et Nu, qui était aussi un essai sur les violences, sur le corps des femmes et tout ce qu'on peut en faire de magnifique et d'humiliant et de violent. Et que dans un autre bouquin qui s'appelait Je craque, je faisais aussi appel à ce qu'était la définition de l'emprise. Donc non, c'est pas nouveau chez moi, c'est depuis toujours. Simplement, il y avait là un, pardon de le dire, parce que c'est un, ce qu'on appelle un fait divers, alors que c'est un fait de société très profond et très grave. Mais il y avait effectivement un appel appui sur lequel je pouvais reprendre tout ça pour l'élargir et peut-être en arriver à l'universel. Voilà, et en passant par le particulier, bien qui sûr. Est votre histoire, Eva Darlan, puisque le calvaire enduré par Jacqueline Sauvage quand même quelque part est entré en résonance avec votre passé. Je crois que toutes les femmes ont affaire à la violence, que ce soit personnellement ou dans leur entourage immédiat. Alors vous, vous parlez de votre passé amoureux, vous racontez votre histoire destructrice avec un pervers narcissique que vous appelez un PN, qui faisait sa loi, comme Norbert d'ailleurs faisait sa loi au foyer de Jacqueline Sauvage. Mais vous racontez aussi, ce qui est très intéressant, un passé plus lointain, plus enfoui et qui va concerner un peu votre enfance, Eva Darlan, votre un peu la genèse de ce que vont être vos combats ensuite. Vous avez une mère, un père, deux frères, une maison. On se dit tout va bien, pas de souci. Sauf que vous vous dites, j'ai une mère effacée, un père maltraitant et deux frères dont l'un ne va jamais se remettre quelque part de la maltraitance paternelle puisqu'il a disparu à l'âge de 37 ans. Votre père, vous le racontez, il humilie, il tape. Et lorsqu'il rentre, je vous cite, « Nous arrêtions le tourne-disque, la télé, c'était le couvre-feu, en silence, chacun dans nos chambres. Le rituel des dîners est un moment particulièrement pénible, comme souvent dans les foyers à problème. Votre père se comporte, là aussi, comme s'est comporté Norbert Marot avec Jacqueline Sauvage, elle l'a raconté, il règne, il rabaisse, lui en plus, il donne de grandes baffes avec sa chevalière. Et en lisant cette scène précisément du dîner, j'ai pensé à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « Que la bête meurt », un des premiers films de Claude Chabrol en 1969. C'est Jean-Yann qui joue le père et c'est là aussi le rituel du dîner qui cristallise toute la violence paternelle. Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je vais bouillir 4 heures. Ah ben 5 heures, 6 heures, je m'en fous. Voilà, et ça monte et ça dégénère. Alors bien sûr, hein, avec les autres, votre père, il est charmant, il est exquis, c'est un être absolument sympathique. Exactement comme dans un autre roman qui s'appelle « L'enfant » de Jules Vallès, qui est paru en 1881, où le père, il est cogneur à la maison et à l'extérieur, il est devinez quoi, il est prof et il est pédagogue. Ouais, faut le faire. Alors après, il y a un autre souci que vous avez rencontré, Eva Darlan, c'est que même sorti de cet enfer familial, vous avez continué à payer l'addition. Puisque ce désastreux modèle masculin, c'est en quelque sorte imprimé en vous, et de façon presque perverse, presque invisible, vous a poussé dans les bras, pardonnez-moi l'expression, de gros con. D'ailleurs, le titre de votre livre, Grâce, on peut le lire aussi comme une supplique de vous, que vous adresseriez à ce passé qui ne passe pas, grâce, laissez-moi construire ma vie, laissez-moi avancer. Jusqu'au jour où enfin, vous écrivez, et je vous cite, « Mon père était bel et bien cet homme qui avait asservi ma mère et nous avait tous bousillé. En parlant de votre mère, elle s'est tue, comme bien des mères. Pourtant, elle vous aimait, ça vous n'en doutez pas. Et elle me fait penser à un autre livre aussi qui s'appelle « Profession du père » de Sorche Chalandon, qui est sorti il y a 2 ans, et dans lequel, à un moment, il y a une scène où la mère vient gratter à la porte de l'armoire dans laquelle est enfermé son fils. Il a été enfermé par son père. Mais vous voyez toutes ces œuvres, Claude Chabrol, Jules Vallès, Sorche Chalandon et d'autres, déjà vous feront peut-être sentir moins seul, si vous vous sentez encore seul. Mais surtout, et c'est ça que je trouve très beau, in fine, elles vont faire émerger moins la figure du père malveillant que celle finalement de l'enfant abîmé mais debout. Et que peut-être que la victoire, elle est là, et elle est offerte par la littérature. Donc je redonne les références. Grâce de Eva Darlan est publiée chez Plon. Merci Clara Dupont-Monod pour cette lecture de l'ouvrage d'Eva Darlan. Je suis en larmes. Alors vous allez vous remettre avec le troisième sujet qu'on va traiter rapidement mais qui vous touche directement aussi. Les femmes iraniennes sont désormais autorisées à participer à des courses de moto en public. La Fédération iranienne de motocyclisme vient de les autoriser, enfin de les tolérer. Réaction des bikeuses de Téhéran. Ma pétroleuse fait hier. Ma pétroleuse fait hier. Dès que l'on sort le soir, moi je lui en fais voir ma pétroleuse veillère. Vanessa Paradis. Alors la Fédération iranienne de moto s'est aperçue que les femmes iraniennes étaient particulièrement performantes en matière de course moto. Et c'est comme ça qu'elles ont gagné ce droit, cette tolérance à concourir en public. C'est inouï quand même, c'est inouï. Ils leur interdisent tout, mais ça, elles peuvent, c'est, oui. c'est après, elles sont casquées et en combi aussi. Hein, donc... Elles sont casquées et en combi, mais n'empêche, elles ont un gros engin entre les jambes. Oui, Eva Darlan, bravo. Et on a choisi ce sujet aussi rapidement parce que vous avez été à un moment hôtesse de l'air sur Air Inter et vous profitiez des facilités de voyage et de billets d'avion pour aller faire vers la Tchunga à Téhéran, ouais. pour aller surtout militer contre le Shah et installer ce despote à la place. Personne n'était au courant de ce qu'il tramait, lui personnellement. Même ses capitaines, ses commandants, ses bras droits ne le savaient pas. Ils ont tous payé par leur vie. Hein. Donc personne ne savait. Mais oui, c'est vrai. Vous transmettiez notamment des documents, etc. pour l'opposition. Ouais. Voilà, Eva Darlan. Je suis un fauve. Et c'est une femme qui a des couilles. C'est une femme qui a des couilles. C'est Eva Darlan. J'ai des ovaires. Alors, écoutez, on va vous proposer quelque chose que vous savez faire de façon innée. Oui, il paraît que vous avez été comédienne. C'est l'heure du sketch de fin d'émission. Eva Darlan, vous avez un rôle dedans. Vous avez publié un livre qui s'appelle Je craque et qui raconte la façon dont vous êtes retrouvée ruinée. Et ben aujourd'hui, on vous donne l'occasion de vous venger. On vous a écrit un rôle de banquière qui reçoit des candidats en quête de prêt pour leur campagne. On y va. On commence avec Cécile Duflo qui arrive. Bon alors, vous me l'accordez ce prêt ? Ça dépend, vous avez un travail ? Ah bah oui, je suis députée. Hein. Non, je vous interroge pas sur vos heures de sieste, madame. Est-ce que vous avez un travail durable ? Durable ? Bah, c'est carrément mon fonds de commerce, enfin. Vous êtes fichée à la Banque de France ? Dites donc, avec toutes vos questions, vous vous prenez pour Eva Jolie ou quoi ? Je tiens à m'assurer que vous n'allez pas couler la banque. Ah, ma pauvre Cosette, tiens. Et votre rémunération, vous la placez ? Placez. Ah non, on parlait pas de Jean-Vincent. Non, alors madame, j'ai le regret de vous annoncer que votre demande de prêt est refusée pour cause de jeu de mots pourris. Jeu de mots pourris ? Ah bah merde, je suis verte. Ben non, vous seriez plutôt dans le rouge. Candidat suivant. Jacques Cheminade s'avance. Oui, je suis Jacques Cheminade, je reviens tout juste de la planète Mars. Vous êtes astronaute. Ok. Quelles sont vos garanties pour un prêt bancaire? Je vais remporter les prochaines élections présidentielles. Vous plaisantez. Non, soyez sérieux, monsieur, s'il vous plaît. Vous voulez vous retrouver sans un sou comme Eva Darlan? S'il vous plaît, une petite pièce pour manger. Non, madame Darlan, je vous ai déjà dit non. Mais avant, vous me disiez oui. Oui, mais avant, c'était avant, vous aviez de l'argent. Bah oui, bah donc j'en avais pas besoin. Oui, bah donc donc je vous en prêtais. Ah oui, c'est vrai, oui, donc je vous en prêtais. Mais là, vous n'en avez plus, donc je vais pas vous en prêter. Mais non. Mais si, donc je ne vous en prête pas, c'est logique. Mais vous n'avez donc aucune pitié. Enfin, écoutez-moi, vous plaisantez. Nous sommes une banque. Mais est-ce que ça vous empêche d'avoir un cœur ? Vous n'avez pas le monopole du cœur, madame. Et nous avons le monopole de l'argent. Bili, bili, bili, bili. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, Eva Darlan, de prendre cette vengeance comme ça ? C'est aussi le pouvoir interpréter des rôles. Ce n'est pas que prendre la fuite, c'est aussi se venger sur tout ce qui est... La fuite ? Oui, on prend la fuite, ici. On interpréter une banquière, est-ce que c'est une catharsis ? Ça vous fait du bien. D'interpréter une banquière, c'est vraiment... Écoutez, franchement, j'en connais qui disent « Mais moi, je suis là pour aider les gens. » Et ils sont sincères. Hein. Ah, il y en a. Mais s'ils ont ouvert ce commerce, c'est grâce à moi. S'ils ont cette maison, c'est grâce à moi, etc. Sans se rendre compte que c'est un enfermement pour tout le monde. Alors, je sais pas. Oui, bien sûr, j'ai eu des prêts. Oui, bien sûr, mais je ne serai jamais banquière. On embrasse les enseignants et les banquiers. C'était leur fête aujourd'hui. Merci beaucoup, Eva Darlan, d'avoir passé ce moment avec nous. Quel bonheur avec vous. Vous étiez solaire. Tous les quatre. Eh bien, je peux vous emmener à la maison. Oh oui, on veut bien, on fait une teuf. Qu'est-ce qu'on boit? Alors, Eva Darlan, vous publiez Grâce, mes combats jusqu'à Jacqueline Sauvage. C'est paru chez Plon et on suivra évidemment tout cela et l'affaire Jacqueline Sauvage. Le mot de la fin, on va le laisser à la rentrée scolaire. Alors, il faut savoir que cette année en technologie, nous allons faire un repose-cahier en plastique. Excusez-moi, ça sert à quoi en fait votre cours ? À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur.